Ainsi grec. Mon frère, ma vie, j'aurais préféré que la chroniquer. Je serais pas surpris si demain je me fais proliguer. À travers les regards, c'est pas les politesses qui prolifèrent, mais que les nains de mort, harcelés par les armes de catégorie. Fais rêver les plus pervers, les Maus. Atteint d'air tristement célèbre. La punition de l'homme riche est sévère. Ne mets pas de place à notre souffrance. Même pas la lien sur les LMS. J'ai vu des gens humbles partir faire des poubelles, manger de la merde de ceux qui manquaient pas tout paix. Comme Sarko, j'aurais bien triplé mon salaire. Mais la pauvreté et l'huile ne veulent pas de moi, mon meilleur te poser la galère. La chatte à Morgane, si on m'acquitte pour portable. Violence aggravée sur gendarme, trafic d'organes. Je répète, ma vie, je préférais la chroniquer. Mon crédit, je me fasse des thunes en faisant ainsi comme un succès, je vous aurais trop niqué. Y'a plus le temps d'écrire ou de placer un procès. À quelques lieux chez moi, certains font parler le MC. Pas besoin d'armes d'armes pour ôter la vie de l'ennemi. C'est la hache, cousin. On est loin des mille et une nuits. Y'a plus le temps d'écrire ou de placer un procès. À quelques lieux chez moi, certains font parler le MC. Pas besoin d'armes d'armes pour ôter la vie de l'ennemi. C'est la hache. On est loin, goûter le paradis. Chroniqueur des récits de la vie, la rétine dans le stylo. L'encre coule autant que les larmes de ces réfugiés qu'on rapatrie. Le malheur ne s'annonce pas toujours. Parfois c'est sous l'eau de rose que ta carte devient toute verte et ta figure devient toute rouge. Alors certains recherchent protection et excellent dans le spirituel. Prosternation quotidienne en affirmant sa soumission. Certains jadent avec leur index, d'autres insultent avec le majeur. Pas de pouce, y'a plus de pouce, on coupe la main pour épargner le voleur. Malheureusement y'a plus de prothèse. Quand l'âme se fait amputer, perdre sa fierté. Personne n'est à l'abri de se faire sabrer. On vit dans l'incertitude, du lendemain, d'une longue vie, d'une longue peine. Tu sais bien qu'après l'amour, ça mène la haine. Toujours à quoi d'Al Chétal, ouais. Certains défient la faucheuse. Quand tu verras quoi les capas cousins, tu feras moins les groyeuses. Bluffé par ta peur, tu n'hésites pas à pousser tes limites. La foi s'effrite, le mal t'évite. De la lumière à l'ombre, ça va très vite. Y'a plus le temps d'écrire ou de placer un procès. À quelques lieux chez moi, certains font parler le MC. Pas besoin de permis d'armes pour ôter la vie de l'ennemi. C'est la hache, cousin. On est loin des mille et une nuits. Y'a plus le temps d'écrire ou de placer un procès. À quelques lieux chez moi, certains font parler le MC. Pas besoin de permis d'armes pour ôter la vie de l'ennemi. C'est la hache, cousin. On est loin, goûter le paradis. T'as vu le jour derrière une thèse, comme nous tous, t'as voulu brasser. Les litres ont coulé, tantôt presse, rattrapé par le passé. Je me vois encore une tasse de maté, un joint de bœuf craché par la fenêtre. Les mecs se font déférer en moins de deux. Histoire quotidienne, tu mises et tu perces la transac. Via mal, tu vises, nique sa mère. N'a plus de bonté dans nos poumons. Le regard bon, mais on se promet de me tenir bien pour la famille, nos projets. Embrasse le crime, la crache et salé de whisky. La rue te mâche, te recrache, traîne pas trop devant la vitrine. Avant d'être victime du train de vie, du menottage, du rosage, des ouvertures de portes avec le visage. Tu ne veux pas atterrir ici, on parle de visa, on veut bouger vie. Chaque seconde comme la dernière, tu vois le récit. Ce n'est pas drôle, les gars que t'as croisé qui se brûlent. Soir au charbon, quelques bulles sur les murs, Nicolas Fiste. Y'a plus le temps d'écrire ou de placer un procès. À quelques lieux chez moi, certains font parler le MC. Pas besoin d'armes d'armes pour ôter la vie de l'ennemi. C'est la hache, cousin. On est loin des mille et une nuits. Y'a plus le temps d'écrire ou de placer un procès. À quelques lieux chez moi, certains font parler le MC. Pas besoin d'armes d'armes pour ôter la vie de l'ennemi. C'est la hache, cousin. On est loin, goûter le paradis.